Face aux défis de notre époque, avez-vous les clés pour comprendre le monde qui nous entoure ? Économie, droit, intelligence artificielle, management, transition écologique ? Avec Dauphine Éclairage, le nouveau média scientifique en ligne, découvrez l'actualité décryptée par les chercheurs de l'Université Paris-Dauphine PSL. Grand dossier, podcasts, articles, vidéos, l'expertise universitaire accessible à tous. Dauphine Éclairage, comprendre le monde, éclairer l'avenir. Rendez-vous sur le site dauphine.psl.eu. La science CQFD, Antoine Beauchamp. Comme chaque premier lundi du mois, on vous offre un tour d'horizon des dernières avancées de la recherche. Que trouve-t-on en ce début de mois de mars à la une de l'actualité scientifique ? En octobre 2023 s'envolait la mission de la NASA baptisée Psyché en direction d'un astéroïde qui suscite un intérêt majeur pour ses ressources en minerais. Verra-t-on un jour des mines à ciel ouvert en plein espace ? Retour sur Terre où des chercheurs peinent encore à trouver un marqueur du passage à l'Anthropocène. Et si finalement le plastique n'était plus la preuve idéale de notre époque géologique ? Enfin, on plongera à la rencontre des requins qui continuent de faire l'objet de 1000 préjugés et que non pas une mais trois actualités nous permettent de reconsidérer. Exploitation d'astéroïdes, marqueurs de l'Anthropocène et les dents de la mer revisitées, c'est notre menu au clair de la une. Et pour nous éclairer sur toutes ces nouveautés scientifiques, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle participante à notre table ronde Actu, Marie Trébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes vulgarisatrice scientifique et créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosité. Vous êtes par ailleurs co-animatrice de l'émission Scope sur la chaîne Twitch d'Arte. Avec nous également Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir, le magazine partenaire de la science CQFD. Et enfin Mathieu Lefrançois, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste à Science et Vie Junior, chef de la rubrique Physique. Bienvenue à tous les trois dans notre studio et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez évidemment, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte x@sciencecqfd. On va bien sûr parler ensemble de ces trois grands sujets qui vont animer notre tour de table de l'actualité scientifique. Mais avant ça, Mathieu Lefrançois, je crois qu'il paraît que... on fête un anniversaire du côté de la rédaction de Science et Vie Junior. Je suis pas venu avec un gâteau, j'ai pas eu le temps, malheureusement, avec 35 belles bougies. Racontez-nous un peu ce qui se passe dans les couloirs de la rédaction de Science et Vie Junior. Eh bien oui, 35 ans, Science et Vie Junior a 35 ans cette année. Un bel âge, un bon âge de raison pour effectivement s'offrir une petite cure de jouvence. Alors que quelles nouveautés vont nous proposer ces nouveaux numéros de Science et Vie Junior 35 ans passés ? Alors c'est même déjà en kiosque parce que le numéro qui est en kiosque actuellement jusqu'à la semaine prochaine est le premier de cette nouvelle formule. Concrètement, c'est un nouveau logo, une nouvelle maquette. Des nouvelles rubriques aussi. On s'essaye à l'infographie avec Data Center pour essayer d'amener l'actu scientifique par les chiffres et par la représentation infographique. On a une nouvelle rubrique qui s'appelle Juste Cause pour apprendre justement à nos lecteurs et lectrices à défendre leurs idées et notamment à débunker les fake news en commençant par non, la Terre n'est pas plate. Quoi qu'on puisse en dire. Ça peut être des tutos low-tech aussi, parce qu'on est très sensible justement à ces questions écologiques. La rédaction avait signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Donc là, des tutos pour effectivement construire des objets plus durables que ceux qu'on peut trouver parfois dans le commerce. Voilà, et puis toujours autant d'amusement, parce qu'on est quand même une bande de grands enfants. J'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que la seule chose qu'on n'a pas changé dans le magazine, c'est la rédaction. Mmh, c'est pas mal. Quasiment pas, voilà. Donc c'est toujours les mêmes journalistes, donc il y aura toujours le même style. Voilà, l'idée c'est d'apprendre en s'amusant et puis de réfléchir aussi. En tout cas, c'est très réussi. Marie. Oui, non, j'apprends que Science et Vie Junior a le même âge que moi, déjà. Donc je suis très émue et je suis d'autant plus émue que ça m'a suivi toute ma jeunesse et que je suis certaine que ça a eu un petit rôle quand même super important dans ma carrière de vulgarisatrice scientifique. Ouais, donc merci Science et Vie Junior. Il faut saluer l'existence et la persistance de ce genre de magazine parce que c'est vrai que ça crée des vocations, comme vous, Marie Trébert. Moi, je peux dire aussi que j'ai parcouru les pages de Science et Vie Junior étant petit et que j'ai appris des belles choses. Olivier. Moi, j'y ai écrit. C'est encore plus. Non, moi, j'ai travaillé longtemps à Sciences et Vie Junior. Je suis très heureux de ce que dit Mathieu. Et moi, je tire mon chapeau à toute l'équipe de Sciences et Vie Junior qui, contre vents et marées, a continué à faire un journal excellent. Écrire pour les jeunes de façon précise et pointue. Tous ceux qui s'y sont essayés savent que c'est extraordinairement difficile. C'est peut-être l'exercice le plus difficile qui puisse exister en vulgarisation, à mon avis. Donc, bravo. Et il y en a encore la preuve dans ce dossier que vous co-signez, Mathieu Lefrançois, dans le numéro de Sciences et Vie Junior de ce mois-ci et qu'on va aborder ensemble. Là, on va abandonner un peu ce temps festif pour rester dans un temps, pour aller peut-être dans un temps moins festif, plus sérieux, mais néanmoins plein d'informations. Donc, pour rentrer à pieds joints dans ce sujet, on va aller en direction de la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire pour comprendre pourquoi on s'y intéresse d'un point de vue scientifique et quelles idées l'humanité a concernant ces astéroïdes qui gravitent autour de nous. Déjà, on peut faire un peu de géographie du cosmos. Mathieu, vous nous resituez cette ceinture d'astéroïdes et vous nous dites de quoi elle se compose. Alors, la ceinture d'astéroïdes, en fait, c'est cet ensemble de corps situés entre Mars et Jupiter. Alors, pour faire vite, on va dire entre 2 à 4 fois la distance Terre-Soleil. Voilà. Concrètement, les astéroïdes, en fait, on sait qu'il y en a plusieurs millions qui font au moins 1 kilomètre de diamètre. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de petits corps plus petits, de grains de poussière, qui se répartissent effectivement sur ce vaste espace. Pour vous donner une idée, en masse totale, ça fait quand même moins que la Lune. Et le plus gros corps de cette ceinture d'astéroïdes, c'est Cérès, qui ne fait que 950 km de diamètre. C'est une planète naine qui est plus petite que la Lune. C'est une planète naine, et qui concentre à elle seule, je dirais, un tiers quand même de la masse totale de la ceinture. Donc ça en dit long, voilà, sur ces petits, ou en tout cas, oui, relativement petits débris qui ceinturent les planètes rocheuses et qui marquent finalement une espèce de frontière entre les planètes rocheuses et les planètes gazeuses que sont ensuite Jupiter, Saturne. On confond pas du tout la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper qui allait bien, bien au-delà de Neptune. On confond pas non plus, Mathieu, astéroïdes et comètes. J'ai eu le plaisir d'animer une émission Science Chronos Weekend sur la sonde Rosetta qui allait en direction de la comète Chury. Les comètes, elles sont composées de gaz, de poussière, enfin de gaz gelé, de poussière, de roche. Les astéroïdes, c'est pur minéral. Les astéroïdes, c'est minéral, voilà. En général, on peut les classer en trois grandes familles, on va dire ça comme ça. Type C, donc carboné. C'est les plus courants, trois quarts, voilà, à peu près des astéroïdes observés. Les types S, donc plus de type silicate. Et les types M, métalliques. Alors métaux vraiment au sens très très large, on aura l'occasion de revenir dessus, mais voilà à peu près les grandes typologies. Effectivement, c'est un ensemble de corps qui est très riche en termes de composition chimique. Très riche en termes de composition chimique et en termes d'informations aussi scientifiques. Pourquoi est-ce que depuis plusieurs décennies on se penche particulièrement sur ces petits débris? Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas forcément des débris impressionnants. Alors pourquoi est-ce que les scientifiques cherchent à tout prix à mieux comprendre de quoi ils se composent et quelles informations tout ça peut déceler? Parce que ce sont de très bons marqueurs du passé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des corps qui ont très peu évolué depuis que le système solaire et les planètes se sont formées il y a 4,5 milliards d'années. Si on prend par exemple le parallèle avec la Terre, on sait que la Terre, du fait de la tectonique des plaques, en fait, a énormément renouvelé son matériau de surface et en fait, c'est à gommer finalement un peu l'histoire du passé. C'est pas du tout le cas sur les astéroïdes, vraiment très peu, très à la marge. Et donc, c'est très intéressant en fait quand on veut étudier par exemple l'histoire du système solaire, de s'intéresser à ces petits corps. Et ces petits corps-là, est-ce qu'on sait comment ils sont arrivés là? Qu'est-ce qu'on sait de la formation de cette ceinture d'astéroïdes? Concrètement, en fait, c'est ce qui reste un peu, c'est les restes en fait du disque protoplanétaire qui a servi à former les planètes. Je sais qu'Alexandre Morbidelli est un fidèle invité de cette émission, et c'est peut-être lui avec le modèle de Nice justement qui décrit le mieux un peu la formation du système solaire et comment voilà ces astéroïdes finalement se sont retrouvés à s'agréger en ceinture à cet endroit-là. C'est une petite danse cosmique pour laquelle Jupiter et Saturne ne sont pas étrangères. Ouais, parce qu'au moment de la formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années, les choses étaient beaucoup moins stables qu'aujourd'hui. C'était très agité, il y avait beaucoup de, c'était très chaotique, beaucoup d'impacts, beaucoup de collisions qui ont provoqué la création de cette ceinture-là, qui aujourd'hui maintenant gravite de façon assez régulière et apaisée autour des planètes rocheuses. Voilà, on comprend du coup l'intérêt qu'il y a à aller observer ces débris-là pour comprendre les premiers âges du système solaire. La recherche scientifique se penche depuis plusieurs décennies sur cette ceinture d'astéroïdes-là. Et on va écouter une petite archive de 1991 qui parle de la mission Galileo, l'une des grandes missions qui a été en direction de la ceinture d'astéroïdes. Si ce week-end, au lieu de vous entasser sur les belles routes de France, il vous prenait la fantaisie de foncer à 300 000 km/s à la verticale du Soleil, voilà comment vous verriez notre système solaire. La Rolls-Royce de l'espace, la sonde Galileo, elle, a quitté la Terre en octobre 88. D'accord, ses antennes ne se sont pas déployées, mais elle a réussi quand même à envoyer des images. Et lorsqu'elle a franchi la dernière station, planète Mars, avant le terminus Jupiter, elle a pu, en flânant du côté de la ceinture d'astéroïdes, observer Gaspra. Cela ressemble à une patate, me direz-vous, mais on s'en moque. C'est le premier astéroïde jamais vu de si près, 22 km de long sur 11 de large. En le frôlant des pare-chocs, Galileo a pu observer sa surface, criblée de cratères, un cauchemar. D'où vient-il ? Peut-être de l'explosion, il y a des milliards d'années, d'une planète géante, située entre Mars et Jupiter. Comme quoi, même si les hommes réussissent un jour à faire péter la planète, et ils sont bien partis pour cela, ils ne seront pas les premiers à avoir réussi ce coup-là. Mathieu Lefrançois, une réaction à cette archive pleine de couleurs. Pleine de couleurs, effectivement. Oui, alors c'est amusant, effectivement, d'avoir cette hypothèse de l'explosion d'une planète hypothétique. Alors, on en est revenu. On avait même nommé cette planète hypothétique Phaéton. Alors du coup, ça, c'est une hypothèse qui a complètement été écartée. Oui. Il y a beaucoup de... Enfin voilà, on évoquait le modèle de Nice tout à l'heure. Enfin, concrètement, il y a énormément de simulations qui sont faites par les équipes scientifiques pour de dynamique un peu du système solaire depuis sa formation et qui sont aujourd'hui, il me semble, très largement partagé par la communauté scientifique. Si on a pris cette archive concernant la mission Galileo, il faut rappeler que c'est pas la première mission à être partie en direction de la ceinture d'astéroïdes. Dans les années 70, en 1972, la NASA déjà avait envoyé Pioneer 10, Pioneer 10 en direction de la ceinture d'astéroïdes. Quelles étaient à ce moment-là les missions de ces survols d'astéroïdes ? Pionnier, et puis de manière globale, en fait, de toute façon, dès qu'on veut aller un peu aussi aux limites du système solaire, alors c'est pionnier, c'est tôt ou tard, si on essaye de rester dans le plan encore du système solaire, il faut qu'on traverse la ceinture d'astéroïdes. Et soit dit en passant, peut-être quelque chose d'important à dire, c'est qu'il faut enlever de la tête l'image populaire qu'on a, notamment due à Star Wars. Il est très facile de passer dans la ceinture d'astéroïdes, puisque en moyenne, il y a 1 million de kilomètres entre deux astéroïdes. Donc la probabilité pour en prendre un de plein fouet, c'est qu'a priori, on l'a cherché quand même. Assez réduit, ouais. Voilà. Mais effectivement, Pioneer, en fait, c'était vraiment voilà une mission de... une mission d'exploration lointaine. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de regarder vraiment les missions les plus récentes, je pense. Galileo en fait partie. Galileo, par exemple. Et puis je pense notamment, enfin voilà, à Dawn par exemple, mm-hmm. qui la mission Dawn de la NASA qui a survolé donc Vesta en 2011, qui est le deuxième corps, si je dis pas de bêtises, en termes de taille de la ceinture d'astéroïdes. Et puis Ceres en 2015. Dawn, typiquement, enfin voilà, ces survols de Vesta et Ceres étaient vraiment dans un but de compréhension et d'étude de ces corps-là. C'est d'ailleurs à partir des données de la sonde Dawn qu'on a commencé à comprendre que Ceres, en fait, était, vous l'avez dit Antoine, donc une planète naine différenciée avec un cœur, avec un océan d'eau liquide salée sous la surface. Alors qu'avant, effectivement, on se disait, bon, c'est une ceinture avec des cailloux. Oui, et puis on a, grand intérêt. On a fait pas mal de découvertes. Enfin, on a, disons, donné une sorte de personnalité à ces astéroïdes-là. La mission Galileo, par exemple, en survolant Gaspra et Ida, a pu montrer avec le survol d'Ida que cet astéroïde avait lui-même une petite lune qu'on a baptisée Dactyle, qui fait 1,7 km de diamètre. Donc, on a pu aussi avoir une compréhension du fonctionnement interne de cette ceinture-là. Tout à fait. Et en fait, je pense qu'à chaque fois qu'on a survolé un astéroïde, on a découvert en fait quelque chose. Ça nous a enlevé une idée reçue sur cette ceinture d'astéroïdes et on s'est rendu compte qu'effectivement, elle était beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, beaucoup plus mystérieuse peut-être que ce qu'on pouvait penser avant. Je prends un autre exemple qui d'ailleurs sera intéressante quand on parlera d'exploitation. C'est un peu ce qui est arrivé en fait à la sonde Osiris Rex de la NASA sur l'astéroïde Bennu. C'est qu'en fait elle a manqué s'enfoncer dans l'astéroïde en voulant se poser dessus pour faire un prélèvement de roche. On s'est rendu compte qu'en fait ces petits corps ils ont évidemment une petite gravité. Et en fait, ils peuvent manquer de cohésion. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mous ou quoi que ce soit, mais c'est simplement imaginer une piscine à balles. Concrètement, c'est ça la meilleure analogie. Et voilà, vous essayez de poser une sonde robotique au milieu d'une piscine à balles, vous allez tout de suite voir effectivement le problème qui va se poser à vous. Alors, Osiris Rex, en fait, a tout de suite rallumé ses moteurs et puis s'est élevé en altitude. Mais ça montre bien effectivement un peu toutes les difficultés qu'on a à appréhender ces objets-là et toutes les questions auxquelles on n'a toujours pas forcément de réponse aujourd'hui sur leur nature. Alors, il y a cette mission dont on va parler dans un instant, Psyché, qui va essayer de répondre à ces grandes questions concernant les astéroïdes et qui a aussi quelques idées derrière la tête. On en parle tout de suite. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On en arrive à présent, Mathieu Lefrançois, à cette mission récente qui fait l'objet de belles pages dans ce numéro de Science et Vie Junior. Vous êtes transformé pour l'occasion, Mathieu, en scénariste de bande dessinée avec au dessin Alexandre Franc. Dans cette BD, on est en 2188. L'humanité s'est installée sur l'astéroïde Cérès et les astéroïdes voisins pour tout simplement exploiter leurs ressources. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle-là pour aborder finalement des réflexions autour de cette mission récente Psyché qui a été envoyée en octobre 2023 Alors en fait, la rubrique dans laquelle est parue cette BD, c'est une rubrique qu'on a appelée des nouvelles du futur. On aime bien en fait à Science et Vie Junior justement essayer de trouver de nouveaux formats pour sortir juste du entre guillemets simple article scientifique, toujours pour intéresser les lecteurs et lectrices. Et voilà, quelque chose qu'on aime bien faire, c'est effectivement de la bande dessinée parce qu'on sait que ça plaît aux jeunes lecteurs, aux jeunes lectrices. Et voilà, moi je m'étais pas encore essayé à cette rubrique des nouvelles du futur. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon, la Lune, on en parle beaucoup, Artemis, c'est aujourd'hui. Mars, c'est demain, c'est même demain après-midi si on en croit Elon Musk. Enfin, voilà. Donc, plus loin, c'est quoi la question? Et effectivement, c'est pour ça qu'on est venu à la ceinture d'astéroïdes. Il y avait cette actualité autour de la mission Psyché et de toutes les ressources intéressantes de cet astéroïde de Psyché et des autres ressources. Hein, j'ai parlé des ressources en eau sur Cérès, et donc je me suis dit voilà, bon, eh ben projetons-nous en 2188 et imaginons qu'on aura à ce moment-là une base orbitale en orbite de Cérès, tout comme la NASA envisage une base lunaire. Parlons, quelques années. Parlons du coup, Mathieu Lefrançois, de cet astéroïde que vous appelez Psyché. Moi, je l'ai appelé Psyché depuis le début. Je vais me tenir à ça. C'est mon côté plus littéraire. Je pense à la Psyché, tout ça, voilà. Si on doit parler de cet astéroïde Psyché, 16 Psyché, pourquoi est-ce que on s'y intéresse autant? Qu'est-ce qu'il a comme ressource qui intrigue autant les scientifiques, mais pas que? Alors, c'est un astéroïde de type métallique, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il a donc énormément de ressources en métaux. Alors, certains ont essayé d'estimer un peu la richesse de cet astéroïde. Et alors, ça se compte en 1000 milliards de milliards de milliards d'euros. Oui, c'est un chiffre à 32 zéros. Alors voilà. C'est bon. Alors, évidemment, c'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut. À la louche, ouais. Et surtout, c'est une estimation sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que la NASA envoie une sonde psyché ou psyché, Antoine, comme vous voulez. Restez comme vous voulez. Venez comme vous êtes, il n'y a aucun souci. Et le but de cette mission, bah voilà, ça va être déjà d'en savoir plus sur cet astéroïde. Pour l'instant, on a étudié de loin. Ouais. Et donc déjà, on va voir est-ce que cette estimation tient la route. Pourquoi c'est intéressant ? Alors, du point de vue scientifique, c'est intéressant parce qu'il y a l'hypothèse que ce corps métallique est peut-être le noyau d'une protoplanète qui n'aurait pas eu un destin très heureux. Et effectivement, autant sur... Et donc finalement, l'enveloppe, ce serait déchiquetée. Sur Terre, on sait, il y a un noyau de fer. Malheureusement, on ne peut pas l'étudier, ou très difficilement l'étudier. On ne peut pas y aller, il est au centre de la planète. Donc effectivement, avoir un noyau de protoplanète disponible, entre guillemets, encore faut-il y aller et puis l'étudier. Mais c'est très intéressant sur le plan scientifique. Et puis le deuxième plan, c'est le plan industriel. C'est de se dire, bon, s'il y a des richesses, ça intéresse potentiellement, ça peut intéresser potentiellement des entreprises privées. Donc là, on arrive vraiment on saute à pieds joints dans notre époque, finalement, et tous ces paradoxes. Il y a à la fois cette tentation de mieux comprendre scientifiquement ces objets-là, et très vite, justement, quand on parle d'un astéroïde de 200 km de diamètre composé à 50% de métal, on voit tout de suite la possibilité en termes de ressources que ça représente. Bon, on est d'accord, Mathieu Lefrançois, on n'y est pas encore du tout, on n'a pas du tout les instruments disponibles, et on rappelle que voilà, des objets comme ça ont des gravités très faibles parce qu'ils sont assez petits. Donc c'est pas possible de miner un astéroïde comme Psyché. C'est extrêmement compliqué. Les corps de la ceinture d'astéroïdes, voilà, vous l'avez dit, ils ont des très faibles gravités, ils tournent déjà aussi très vite sur eux-mêmes pour la plupart, donc déjà se poser en fait. Ça implique d'être capable de se mettre en orbite à la même vitesse et de se poser et d'en repartir. Ça pose des questions d'exploration robotique autonome, parce qu'en fait, il y a une telle distance que les commandes d'un opérateur humain qui serait sur Terre mettraient beaucoup trop longtemps en fait à faire l'aller-retour. Il y a le problème de cohésion de piscine à balles dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, on peut effectivement entasser tout un tas de problèmes techniques, ce qui n'a pas empêché quand même certaines entreprises de vouloir se lancer dans l'aventure. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plein de startups. Bon, ça fleurit, mais ça fane assez vite hein, quand même, ce genre de startup qui veut faire du minage aérospatial. Mais quand même, il y a des entreprises qui se lance dans ce rêve complètement fou d'aller installer des mines sur des astéroïdes. Moi, ça me fait vraiment penser au début d'Alien, le premier épisode d'Alien, où c'est finalement le Nostromo, c'est rien moins qu'un gros vaisseau qui ramène des minerais en 2122. Alors vous avez baptisé votre BD, vous l'avez situé en 2188, mais on n'est pas bien loin. Et ouais, c'est intéressant de se dire que bon, ça reste encore vraiment de la science-fiction, mais, si on se rapproche un peu de nous, on peut se dire que, voilà, la mission Artemis, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment demain, on y est presque. Et là, la question de l'exploitation de ressources sur la Lune, ou en tout cas de l'utilisation de certaines ressources présentes sur la Lune se pose. Est-ce que finalement la Lune va servir de proto-laboratoire à ce minage d'astéroïdes ? Alors, très, très probablement, effectivement. Et puis, en fait, on voit que ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la Lune, à la fois dans le cadre technologique ou le cadre de même légal ou juridique, on pourra peut-être y revenir, préfigure déjà ce qu'on va peut-être voir sur Mars dans quelques années, et effectivement peut préfigurer ce qu'on imagine sur la ceinture d'astéroïdes. C'est-à-dire effectivement une installation plus pérenne que ce que n'ont été les missions Apollo, pour justement permettre l'exploitation de ressources sur la Lune. Alors c'est principalement effectivement le pôle sud aujourd'hui qui a les intérêts de toutes les agences spatiales, pour une raison simple, c'est que déjà il y a de l'eau en fait accessible au pôle sud, et l'eau en fait par électrolyse, ça fournit du d'hydrogène, du dioxygène, donc du carburant en fait de fusée, ou de l'oxygène pour respirer si on envisage une installation humaine. Par ailleurs, vous le rappeliez tout à l'heure, Mathieu, la distance entre les astéroïdes, c'est plusieurs millions de kilomètres. Eux-mêmes sont situés à plusieurs unités astronomiques de la Terre, donc à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre, donc c'est pas le plus pratique pour se fournir en minerais. Olivier, une remarque ? Ouais, ce qui illustre tout ce que vient de dire Mathieu, c'est la problématique de la raréfaction des ressources sur la Terre. C'est ça. C'est-à-dire que si certains ont pour objectif d'aller miner demain les astéroïdes, c'est pour en tirer les métaux, en l'occurrence, qu'on dit critiques, du palladium, de l'iridium, des métaux très rares sur Terre. Les fameuses terres rares, par exemple, mais dont les industries modernes, les industries dites de transition, celles vers lesquelles on va parce qu'on renonce aux industries polluantes qui émettent des gaz à effet de serre, on y renonce à juste titre. Mais pour cela, on ouvre un peu la boîte de Pandore parce que les matériaux dont on a besoin pour faire les batteries, pour faire les aimants des éoliennes ou des voitures électriques, eh bien, on va en trouver de moins en moins sur Terre. C'est là où il y a une symétrie aussi troublante entre ce qui se passe dans l'espace très très haut avec les astéroïdes et ce qui se passe sous l'eau, dans les abysses. Et oui, ça c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez écrit un livre sur le sujet Abyss, l'ultime frontière, donc paru chez Alizio Sciences. Et oui, il y a un vrai parallèle entre l'exploitation ou non de ces ressources a priori qu'on voudrait préserver, mais qui semblent pour des grandes entreprises devoir être exploitées tout de suite. Oui, sous l'eau, il y a des nodules polymétalliques à des profondeurs abyssales. Ce sont des agrégats de tous ces du cuivre, le cobalt, le fer, le manganèse, tous ceux dont on a besoin. Ces nodules, ces patates, elles se forment depuis que le monde est né à une vitesse misérable. C'est quelques millimètres par dizaines de millions d'années. Et jusqu'à présent, on n'y a jamais touché. Aujourd'hui, on commence à ouvrir le sujet en se disant, eh ben, il va falloir aller labourer le fond des océans pour prendre ces matériaux dont nous, sur Terre, on va avoir besoin parce qu'on a fait les choix de société qu'on a fait. Et en symétrie, il se passe exactement la même chose dans l'espace, avec les astéroïdes, peut-être de façon encore plus lointaine, parce que comme tu l'as dit Mathieu, on a beau savoir de quoi sont composés les astéroïdes, leur façon de réagir mécaniquement dans le vide intersidéral, ça reste encore largement inconnu. Hein, cette balle, cette piscine à balles que tu dis, qui est très parlante, c'est exactement ça. Alors, les dispositifs qu'on va mettre en œuvre pour aller miner ces astéroïdes, évidemment, ils n'existent pas. Et ils n'existeront sans doute pas avant un certain moment. Il y a un autre élément, Mathieu, le François, dans ce que vous dites aussi, ça pose la question du cadre légal de tout ça, de qui a le droit d'exploiter ces ressources dans l'espace, à qui elles appartiennent. Et là, on est d'accord que le cadre législatif, il est très très flou. Il est un peu flou, oui. Alors, en fait, il faut revenir à 1967. 1967, il y a un traité de l'espace qui, en gros, interdit l'appropriation de corps célestes. Voilà. On n'a pas le droit, par exemple, de dire la Lune appartient aux États-Unis. Là où c'est un peu problématique, c'est qu'effectivement, ok, on peut dire les astéroïdes n'appartiennent à aucun pays, mais rien ne m'empêche de me poser dessus, de me servir au passage et de ramener des ressources minières sur la Terre. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu justement en fait sous l'ère Obama en fait en 2014 avec le Space Act qui autorise en fait les entreprises privées justement à se lancer dans l'exploitation de l'espace. Alors il n'y a pas que les États-Unis, on a d'autres pays aussi hein, qui prennent des législations dans ce sens-là comme le Luxembourg, les Émirats Arabes Unis. Ce qu'on voit sur la Lune, on a beaucoup parlé de la Lune tout à l'heure, on a sur la Lune les accords Artemis. Alors, à pas confondre avec les missions, les accords Artemis, c'est un cadre beaucoup plus large, signé par une vingtaine de pays, et qui se mettent d'accord, en fait, sur des règles de bonne entente. En gros, de bon voisinage sur la Lune. Et ça se fonde en partie justement sur ce traité de 67 pour expliquer, notamment, voilà, ça contient une clause sur l'utilisation sûre et durable des ressources spatiales. C'est pour éviter une sorte de guerre des voisins une fois qu'on sera installé sur la Lune et qu'on aura mis quelques petites barrières. Exactement, voilà. Exactement. Alors moi, je serais pas surpris qu'effectivement, alors on aille dans quelques années vers des accords de la ceinture d'astéroïdes pour justement se prémunir de dérive sur ce champ-là. Alors là, on parle de ce futur très hypothétique et très lointain, la mission Psyché, pour le coup, quand est-ce qu'on aura de premiers résultats, de premiers passages, c'est horizon 2029, c'est ça ? Alors elle arrive, voilà, elle se mettra en orbite 2029, début de l'étude scientifique, août 2029, de mémoire, donc à suivre après. Marie Trébert, si on vous propose d'embarquer sur le Nostromo 2 dans quelques années, décennies, pour aller miner des astéroïdes, vous embarquez pas du tout ? Alors à la fois je trouve ça terrifiant et à la fois si c'est pour prendre la peau de Ripley, il n'y a pas de problème en fait. Pourquoi pas alors, on va garder ça en tête. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre cette table ronde d'actualité avec dans un instant un retour les pieds bien sur terre et un problème très concret. Comment dater le début de l'Anthropocène, grâce à quel marqueur? On tente de répondre à cette question juste après ça. Asteroid, asteroid, hope we don't sound paranoid, but you were gainfully employed in wiping out the human race. Asteroid, asteroid, you could make us null and void if your orbit can't avoid colliding with the planet Earth. All throughout our history, you've earned a rare distinction. You've got a nasty habit of causing mass extinction. Asteroid, asteroid, can't blame us if we're annoyed. On behalf of every anthropoid, we wish you'd change your course. Asteroid, asteroid, we can take your picture with the Polaroid, but the question is, can we avoid you wiping out the human race? All throughout our history, you've earned a rare distinction. You've got a nasty habit of causing mass extinction. Extinction, extinction, KT, extinction, extinction, extinction, Permian Triassic extinction. Asteroid, asteroid, hope we don't sound paranoid, because you were gainfully employed in wiping out the human race. Yeehaw. Astéroïde, astéroïde par The Amoeba People, un choix judicieux de notre réalisateur Olivier Bétard dans la science CQFD sur France Culture. Nous faisons aujourd'hui un tour d'horizon de l'actualité scientifique avec nos invités Mathieu Lefrançois, Olivier Lascar et Marie Trébert. On poursuit ce tour d'horizon avec vous justement Marie Trébert et cette question épineuse, quel pourrait être le marqueur idéal du basculement dans cette nouvelle époque géologique qu'on a baptisée Anthropocène? On se plonge dans le bain avec un extrait d'un reportage diffusé sur la chaîne YouTube du Blob, le média de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ce reportage intitulé « Anthropocène à la recherche du clou d'or » et réalisé par Cécile Dumas était diffusé en 2021. Donc là, on est suffisamment loin de la côte. C'est bien parce que on va vraiment chercher les environnements stables de dépôt des sédiments. Et c'est des zones qui sont plus appropriées à un enregistrement continu de l'Anthropocène et de l'histoire du lac. Ça y est, je le vois. Ouais, super, regarde, on a une super interface. Ah là, c'est génial. Ah mais regarde, là c'est ça qui est intéressant. Hop, vas-y, on la met à bord. On la vire à bord. Voilà. Après, on va la mettre même ici. Ce qu'on peut remarquer, en fait, donc c'est une pile de sédiments, une pile d'âge. Et ce qu'on voit, c'est que la superficie, ici, tout est sombre, très noir. Et à un moment donné, eh bien, on voit une distinction, une limite très visible alors qu'on vient à peine de sortir la carotte et on repasse vers des sédiments plus clairs au fond. Et eh ben cette transition, cette limite, passer du clair au sombre, eh ben c'est une des marques les plus visibles de l'Anthropocène qu'on peut voir dans ce lac. Voilà, le lac en question, Marie Trébert, c'est le lac d'Annecy en France. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de trouver ce genre de limite entre époque géologique et pourquoi avec l'Anthropocène, c'est une limite aussi compliquée à déterminer? Eh bien oui, il faut aller carotter, donc c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait. Et en fait, on a besoin de carotter parce qu'il faut voir un petit peu les couches de sédiments dans les lacs comme les pages d'un livre un peu qui s'empilent. Et il y a des informations très précieuses entre chaque page de livre. J'aime bien aussi utiliser l'analogie du gâteau. On pourrait se dire qu'on peut imaginer les strates de sédiments comme une tranche d'un gros gâteau avec chaque couche qui correspond à un événement particulier. Donc c'est ce qu'il disait quand il disait qu'il y avait qu'on passait du clair au sombre, etc. Tout en haut, avec la crème, on a les événements récents. Et dans la génoise, plus en bas, les événements les plus anciens. Et nous, les humains, on est tout en haut. Même si je ne suis pas certaine qu'on soit la cerise sur le gâteau de cette grande pâtisserie géologique vu nos impacts. Mais donc voilà, donc pour dater un petit peu tout ça, il faut qu'on se plonge dans les sédiments. Et aujourd'hui, on est en train de se demander si on n'est pas en train de faire une transition en fait géologique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans l'Holocène, donc une époque qui a commencé vers la fin de la dernière ère glaciaire il y a environ 12 000 ans et qui couvre l'histoire de toutes les civilisations humaines. Et là, en ce moment, vu que l'humain a développé un peu depuis l'ère industrielle Il y a eu beaucoup de polluants, beaucoup de choses qui se sont transformées, qui ont impacté la planète. On est en train de se dire, mais est-ce qu'on ne penserait pas dans une autre période qui s'appellerait l'Anthropocène ? Alors, petite parenthèse étymologique, le terme Anthropocène, il est dérivé des mots grecs anthropos, l'humain, et kénos, nouveau. Donc, la notion d'Anthropocène, c'est l'idée que l'activité humaine a impacté de manière significative la géologie, l'atmosphère, la biosphère, les océans de la Terre. Et donc, ça, c'est un mot qui a été popularisé dans les années 2000 par le météorologue néerlandais et prix Nobel de chimie en 1995, Paul G. Crutzen. Mais ça ne fait pas encore l'unanimité parce que cette notion, l'Anthropocène, elle est séduisante, en même temps elle fait débat et elle est toujours non officielle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion-là dépend aussi de preuves d'un passage d'une époque géologique à une autre. Alors, comment est-ce que, par le passé, on a pu déterminer le passage d'une époque géologique à une autre ? Quels étaient finalement les marqueurs types qu'on a pu identifier ? Donnez-nous quelques exemples. Ouais, alors habituellement, les chercheurs ils s'appuient sur ce qu'on appelle, comme vous venez de le dire Antoine, des marqueurs. Ils peuvent être de plusieurs origines différentes, peuvent être biologiques, comme l'apparition d'une espèce animale qu'on retrouve fossilisée. C'est comme ça que les premières datations ont été effectuées, en s'intéressant aux couches de roches, constatant par exemple la disparition simultanée des ammonites dans la mer ou de certains dinosaures sur Terre, permettant de dire qu'à cet endroit précis, il y a eu un point d'extinction de masse. Et c'est donc là, par exemple, qu'a été située la frontière entre le Crétacé et le Paléogène, par exemple. Si on revient à cette quête du marqueur idéal de l'Anthropocène, déjà, est-ce que Paul Crutzen, en théorisant cette notion d'Anthropocène au tournant des années 2000, a pu déterminer une période, une date à laquelle on serait entré dans l'Anthropocène ? Je crois que c'est une des grandes complexités de cette notion. Est-ce qu'on fait démarrer l'Anthropocène en 1950, en 1900, à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la toute première révolution industrielle ? Est-ce que là aussi, on a des éléments déjà temporelle où on pourrait se dire dans telle couche géologique on va pouvoir aller chercher une preuve plus importante. Ouais, bah en fait pour ça il va falloir trouver des marqueurs, on va y revenir un petit peu après. Mais en gros il y a plein d'idées qui ont été avancées. Donc il y a certains scientifiques qui pensent que cette période d'Anthropocène elle corrèle avec la fin du XVIIIe siècle lors du passage à l'ère industrielle puisque c'est le point de départ d'une réelle transformation de l'environnement de la planète. Il y a d'autres qui attribuent le début de l'Anthropocène plutôt au néolithique ou encore à la première explosion d'une bombe atomique. Donc en fait c'est une vraie course à la datation qui est lancée. Et il va falloir isoler des marqueurs fiable. Alors, ce qui est un petit peu drôle, entre guillemets, hier, j'ai lu qu'il y avait plein de propositions de plein de marqueurs différents. Parfois un peu loufoque, il y a des scientifiques qui ont proposé d'utiliser comme marqueur les os de poulets d'élevage. Oui. Parce que, en fait, leur nombre est écrasant sur Terre et leurs ossements pourraient laisser forcément des traces dans les sédiments. Alors, spoiler, ça n'a pas été accepté. Il y a aussi d'autres chercheurs qui ont proposé comme marqueur les émissions des mines de plomb, donc les dépôts de plomb apparus parce que les mines de plomb sont apparues au milieu du 19e siècle, mais leur présence, comme elle est assez éclatée et éparse, ça n'a pas été retenu non plus. Donc voilà, maintenant il faut trouver le marqueur qui va dire ok là c'est bon, c'est l'Anthropocène. Et on croyait tenir ce marqueur, ce coupable idéal de l'Anthropocène, ou en tout cas cette preuve irréfutable du passage à l'époque géologique de l'Anthropocène avec la présence dans les couches géologiques de plastique et de microplastique, mais patatras, Marie Trébert, je crois qu'il va falloir se raviser. Oui, alors il y a une autre idée qui a été lancée, ça a été de s'intéresser aux microplastiques comme marqueurs fiables. Parce que les microplastiques, il faut savoir qu'ils sont partout, au fond des océans, en haute altitude, au pôle et même dans nos dentifrices et nos intestins, hein, c'est pas une blague. Les scientifiques ils se sont donc dit bah, les microplastiques, ça peut peut-être constituer ce bon marqueur du début de l'Anthropocène puisque ce sont des polluants qui sont absolument omniprésents, modernes et d'origine anthropique et qui vont donc se déposer un peu partout de manière synchrone. Alors, difficile d'étudier les temps géologiques dans notre dentifrice, mais du coup, dans une étude parue le 21 février dernier, une équipe de chercheurs et de chercheuses se sont plutôt intéressés au dépôt des microplastiques au fond de trois lacs en Lettonie pour dater l'Anthropocène, Seksu, Pinku et Usmas. Mais ça s'est un petit peu corsé, en fait, c'est ce que nous apprend l'étude, c'est que sur place, les chercheurs et chercheuses donc, ont carotté, étudié les couches de sédiments, ils y ont découvert 14 types de plastiques différents. Mais attention, plot twist, l'équipe a découvert que les particules les plus fines et les plus petites s'étaient propagées dans des couches de sédiments datant de 1730. Petit hic, les débuts de la production du plastique ont débuté dans les années 1950. Donc incorrigibles ces petits microplastiques, ils ne restent donc pas à leur place dans leur niveau stratigraphique et ils sont en train de contaminer d'autres couches vieilles de 200 ans. Donc oui, le marqueur est là, mais il bouge. C'est quelque chose, ça pour le coup, moi qui d'un point de vue philosophique me perturbe beaucoup, c'est que c'est plus seulement un polluant spatial, ça pollue même le temps, plastique, c'est incroyable. Alors du coup, est-ce qu'il faut abandonner complètement l'analyse du plastique dans les strates géologiques comme marqueur de l'Anthropocène, ou bien dans ces lacs-là, visiblement oui, mais est-ce qu'il y a d'autres lacs où on pourrait se dire quand même que ces microplastiques pourraient être une preuve assez évidente? C'est une bonne question. Je crois qu'il y a quelques lacs, par exemple, d'altitude, de haute altitude, dans les Andes notamment, où la présence de microplastiques est de fait plus statique, moins mobile. On peut peut-être en tout cas rappeler une chose, Marie Trébert, c'est que ces lacs-là, on choisit pas ces endroits-là comme espace, comme espace de preuve finalement d'un passage à l'Anthropocène pour rien. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont de particulièrement pratique pour identifier un tournant géologique? Ouais, en fait, les lacs, ce sont des lieux privilégiés pour ces études parce qu'ils vont offrir un taux de sédimentation à la fois rapide et protégé de perturbations intenses. Par exemple, on ne va pas aller faire de la datation dans le fond des océans où c'est très peu accessible et agrémenté de courants plus ou moins intenses qui vont balayer constamment le fond de l'eau. Donc dans les lacs, en fait, ça stagne assez tranquillement. Et en juillet 2023, il y a le GTA, pas le jeu vidéo, mais le groupe de travail sur l'Anthropocène qui avait désigné le lac Crawford aux États-Unis comme étant peut-être le site offrant les preuves géologiques recherchées, mais pas avec des microplastiques, mais avec un taux de plutonium issu des retombées des premières bombes atomiques. Et on qualifie même ce lac de point de référence de l'Anthropocène, même si encore une fois, ce n'est pas officiel. C'est intéressant que vous parliez de plutonium, puisqu'on peut passer d'une preuve matérielle avec ces plastiques à une preuve plus chimique. Est-ce que finalement, ce ne serait pas ça le fameux clou d'or de l'Anthropocène, ces essais nucléaires, ces catastrophes nucléaires comme Tchernobyl ou Fukushima qui ont eu un impact à l'échelle planétaire et qui pourraient être un marqueur de l'Anthropocène? Ouais, alors s'il faut peut-être un peu nuancer les microplastiques, c'est vrai qu'il y a de grands espoirs dans ces retombées d'essais nucléaires qui constitueraient peut-être le marqueur parfait. En fait, ce marqueur chimique, c'est le résultat, donc, comme on le disait, d'essais nucléaires qui ont eu lieu dans l'atmosphère au début des années 60. Des essais qui se sont arrêtés finalement assez rapidement, provoquant un pic d'émissions de plutonium, de césium, etc., qui se sont distribués de manière homogène à la surface de notre planète et qu'on va retrouver justement de manière synchrone dans les sédiments. Et ce marqueur offre donc peut-être la capacité d'avoir des mesures très fines à ce niveau. Et je vous parlais du lac Crawford. Justement, il a été proposé comme point stratotypique mondial, qu'on symbolise souvent avec ce fameux clou d'or, le Golden Spike, à l'Union internationale des sciences géologiques. Et il y a un vote qui est prévu courant 2024. Et ben on va suivre ça, en tout cas, avec grande attention. Olivier Lascar, vous êtes aussi, vous, à la recherche du clou d'or de l'Anthropocène. J'aime beaucoup l'expression du clou d'or. Moi aussi, il y a un côté mystérieux, mais bon. Ce que vous à disiez sur ce problème philosophique de l'impact spatial qui déborde sur le temps, oui, c'est tout à fait marquant. Et les traces de plastique, qu'on ait pu les considérer comme le marqueur clé, c'est évidemment très tentant, puisque dans les grandes profondeurs, comme le disait Marie, effectivement, au point le plus profond des océans, à 11 km de profondeur, dans la fosse des Mariannes, des expéditions scientifiques avec des robots ont filmé du plastique. Donc la trace de l'espèce humaine, elle est décidément partout. Mathieu Lefrançois, sur cette recherche compliquée du clou d'or de l'Anthropocène, dans un moment où en plus on peine encore à vraiment trouver un consensus autour de cette notion-là. Ben justement, moi, en écoutant Marie, je me demandais pourquoi est-ce que finalement on cherche un marqueur, en fait. Pourquoi pas des marqueurs? Si la tâche de détermination des aires est si compliquée, est-ce que la solution, c'est pas d'avoir une espèce de famille de marqueurs, surtout sur l'Anthropocène, en fait, où on vise un peu à marquer, c'est le cas de le dire, l'empreinte de l'être humain? C'est vrai que c'est rare quand on parle de science de chercher une preuve unique et qui fasse l'unanimité. Un consensus total. C'est assez peu finalement intuitif quand on parle de recherche scientifique. Bon, on va rester en tout cas dans l'eau, puisque Olivier Lascar, je crois que vous avez vu votre plus belle combinaison. Vous êtes venu avec une petite figurine qu'on va décrire dans un instant. On chausse nos bouteilles de plongée et puis on plonge. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. On ne peut pas dire que le requin blanc soit un mangeur d'hommes. Hein. On peut peut-être dire simplement que c'est un goûteur, parce qu'il y a eu plusieurs cas où les attaques dues au requin blanc, où le requin a confondu probablement un plongeur ou un chasseur sous-marin revêtu de sa combinaison de néoprène avec un phoque. Et après avoir mordu, eh bien, dans plusieurs cas, il a rejeté. Il a lâché sa victime, et ces victimes-là sont là pour témoigner que, effectivement, ce ne sont pas des mangeurs d'hommes comme on le conçoit dans le film, en tout cas. Il n'y a pas une volonté délibérée du requin à attaquer les hommes en particulier. Hein, quand un requin attaque, c'est parce qu'il a faim, tout simplement, comme la plupart des animaux. Voilà, on entendait la voix de Bernard Soret, requinologue dans Interactualité le 13 mars 1986. Olivier Lascar, je suis hyper rassuré de me dire qu'un requin peut me goûter, parce que je nage comme un phoque ou comme une otarie, ce qui peut arriver, par contre, je ne suis pas un très grand nageur. Bref. On en est là, on arrive là dans ce dernier temps de notre table ronde actu sur ce sujet, les requins, les mal connus, les mal aimés, mais vous les adorez. Les fascinants requins. Et on peut commencer peut-être par un des aspects de cette archive qui est évoqué, c'est les morsures de requins qui interviennent. Finalement, le requin n'est pas si mortel que ça. Non. C'est des morsures qui sont très bien recensées. Alors parlez-nous un petit peu de ce recensement, de son évolution et de ce qui nous dit sur les évolutions des requins. Oui, alors on parle effectivement de morsures exploratoires, pour rebondir sur ce que vient de dire décalé dans le temps aussi, puisque c'était une archive Bernard Serré. Morsures exploratoires parce que le requin mord pour savoir de quoi il s'agit. Et effectivement, l'être humain ne faisant pas partie de ses proies privilégiées, la plupart du temps, il relâche son emprise. Le problème, c'est que quand on a affaire à de gros requins, comme le requin tigre que j'ai ramené. La petite figurine que vous avez ramenée, qui a été postée sur Twitter, sur votre compte Twitter, on va la relayer. Et le requin blanc, évidemment, c'est-à-dire des animaux qui sont très imposants. La morsure, elle peut provoquer des dégâts suffisamment importants pour provoquer la mort de la personne qui n'est pas mangée, mais qui perd tout son sang, quoi, tout simplement. Alors, effectivement, à côté de ça, il faut dire que les requins tuent très peu, c'est ce qu'on dit tout le temps. Moins que les moustiques. Moins que les moustiques, voilà, c'est vrai. On le sait parce qu'il y a une organisation scientifique américaine installée en Floride, ça qui dépend du Muséum d'Histoire Naturelle de Floride. Ça s'appelle l'ISAF, I-S-A-F, qui... International Shark Attack File, voilà. Tous les ans, elle fait le bilan. Elle fait le bilan des attaques de requins survenues dans le monde. C'est surtout sur les côtes des États-Unis que ça se passe. Mais il y a d'autres occurrences, évidemment, ailleurs dans le monde. Et, par exemple, l'année dernière, il y a eu 10 morts. 10 morts consécutives à des morsures de requins. Et encore, l'ISAF fait le distinguo entre deux types d'attaques qu'il qualifie d'attaques provoquées et d'attaques non provoquées. Alors, c'est une terminologie qui est un peu surprenante. Parce que l'attaque provoquée, on se dit qu'est-ce que c'est? C'est le kamikaze qui plonge au milieu du... qui va provoquer un requin, c'est rare quand même. Alors, il y a eu un cas de figure pourtant l'année dernière qui avait été très médiatisé. On avait vu beaucoup de choses sur le web à propos de cette attaque en Australie, au large de Sydney. Ça faisait très longtemps qu'à cet endroit-là, en tout cas, il n'avait pas eu. C'était un Britannique qui s'entraînait pour une compétition... un monsieur athlétique, quoi, qui faisait ça vraiment quasiment tous les jours. Et malheureusement, il a nagé face à une côte depuis laquelle beaucoup de gens ont filmé et il a été attaqué par un grand blanc. Il est mort. Cette attaque, elle a été classée comme une attaque provoquée, de façon assez surprenante a priori, mais tout simplement parce que il nageait devant une côte d'où pêchaient des gens. Et quand il y a une canne à pêche, il y a souvent des appâts qui peuvent attirer les requins, mais même sans appâts, les vibrations du fil de la canne à pêche dans l'eau sont de nature à attirer les squales. Donc, les spécialistes de l'ISA font cette part des choses entre les attaques dites provoquées et les attaques non provoquées, tout simplement parce que ils ont une position de scientifique, d'ictiologue, de biologiste, et ce qu'ils veulent, eux, c'est savoir pourquoi le requin se comporte comme il le fait dans des conditions naturelles. Donc des situations dans lesquelles l'homme intervient, des relations presque anthropocènes, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, ça ne fait pas partie de leur grille de lecture. Ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi ces attaques-là, donc qui sont en légère augmentation, alors vous parliez de 10 attaques mortelles, il y en a eu 5 mortelles en 2022, il y a eu 69 morsures en tout en 2023 contre 63 les années précédentes, ce qui est quand même vraiment, on le rappelle, pas énorme. Parmi celles-ci, il y en a une qui m'a intéressé, moi c'est celle qui s'est passée pas loin de New York, alors oui, c'est finalement une morsure dont on peut se réjouir presque. Eh ben oui, alors d'autant, d'une part parce que là, c'était une dame, elle en est sortie vivante, oui. J'allais dire indemne, non, parce que la morsure était conséquente, elle a été mordue par un grand blanc, un grand requin blanc, mais cette morsure, elle est le signe que, non pas que les requins sont plus voraces, mais tout simplement que les eaux sont de plus en plus fréquentées par nous autres, par les baigneurs. Et en l'occurrence, c'est un signe d'une bonne qualité des eaux dans le cas de New York, parce que elle se baignait dans une région de la métropole qui était jusqu'à très présent, polluée. Très polluée, ouais. Et une campagne de dépollution ancienne avait porté ses fruits, ce qui fait que cette zone qui était interdite à la baignade, en quelque sorte, elle était de nouveau réouverte. Réouverte aux humains, mais aussi réouverte aux grands animaux marins, aux cétacés et aussi aux squales. Donc effectivement, une meilleure qualité des eaux sont aussi parfois le signe, le prémisse de rencontres défavorables. On sait aussi, par exemple, que sur les côtes californiennes, il y a de plus en plus de grands blancs, qui se rapprochent. Les grands blancs sont sur les planches. Oui, c'est ça, voilà. Et bien, ils se rapprochent des planches, ils se rapprochent des paddles. Il y a des images extraordinaires faites par drone. Le drone devient un outil pour les biologistes fascinant parce que vu du ciel, on voit les requins qui sont placides la plupart du temps et qui vont à proximité des paddles, qui s'en éloignent et pourtant ce sont les requins des dents de la mer. Parlons de ces biologistes, Olivier Lascar, qui s'intéressent quand même à l'évolution, au comportement de ces squales. On peut parler de Philippe Stern et Carlos Gaona qui filment vraiment, alors grâce à des drones, grâce à des nouveaux moyens aussi, en tout cas des moyens plus perfectionnés de surveillance de ces requins-là qui filment des scènes inédites jusqu'à présent. Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, de l'une de ces scènes ? Oui, alors, c'est un bébé requin, un bébé requin blanc. Un bébé requin blanc qui est littéralement tout blanc, ce qui est déjà une surprise, puisque le requin blanc, il tire son nom du fait que son ventre est blanc, mais le dessus de son corps, son dos, il est plutôt gris. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais vu dans la nature des juvéniles. Et là, c'est un individu qui a quelques heures, peut-être un jour au maximum, selon les estimations de Stern. Et il a été filmé pour la toute première fois par drone au large de Santa Barbara, toujours en Californie, dans une zone où quelques jours précédemment, Carlos, qui est le vidéaste du tandem, Philippe Stern est biologiste à l'université de Riverside en Californie, et ils travaillent ensemble pour justement avoir des images qui peuvent être analysées. Quelques jours avant les images du bébé, c'est une femelle gravide qui avait été filmée. Et surtout, il l'avait filmée plongeant en grande profondeur. Et quelques jours après, on voit ce bébé arriver. Alors tout blanc parce que le scientifique suppose qu'il était entouré d'une sorte de lait qui est une substance intra-utérine qui peut être produite par la maman. Parce que dans les mystères aussi qui entourent ces requins, Olivier Lascar, il faut rappeler que le Graal, on parlait tout à l'heure du clou d'or. Le clou d'or pour les requinologues, c'est de trouver une pouponnière de requins. On n'a jamais vu de femelle requin mettre bas et donner naissance à un requin. En tout cas, chez le Carcharodon carcharias, qui est le grand requin blanc, qui est le requin qui est l'empereur de tous les requins, si l'on peut dire. Oui, il a jamais été, ça n'a jamais été vu, et on a besoin de savoir ce qui se passe pour savoir quelles sont les zones, les nurseries, des zones à protéger, pouvoir les qualifier. Pourquoi est-ce que le requin va plutôt dans ces endroits-là plutôt que dans un autre pour donner naissance à ses petits? Ça donne des informations aussi sur sa circulation, sur les terrains qu'il va recouvrir. découvrir. On aurait pu parler aussi, mais on n'a plus le temps, de cette fameuse actualité autour du mégalodon, mais on va vous partager l'article sur notre site quand même. Merci beaucoup à tous les trois, Marie Trébert, Olivier Lascar et Mathieu Lefrançois, d'être venus nous parler de cette actualité scientifique. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo, qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Comment le personnel de l'INSERM perçoit-il l'intégrité scientifique ? Le Code de la recherche créé en 2004 propose une définition de ce qu'est cette intégrité scientifique. C'est l'ensemble des règles et valeurs qui régissent les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. Et c'est tout l'enjeu, donner confiance dans la solidité et la robustesse des recherches scientifiques et éviter les mauvaises pratiques. Pourtant, elles font régulièrement la une. Selon le Retraction Watch, un blog qui enquête sur les retraits d'articles, 1400 articles scientifiques ont été retirés en 2016 pour manquements éthiques en tout genre dans le monde. C'est le chiffre le plus récent dont on dispose, et même en prenant en compte l'augmentation progressive du nombre de publications, il y a bien une intensification de cette malscience. Et bien sûr, la France ne fait pas figure d'exception. Et ce sont des affaires de fraude qui ont historiquement poussé les instituts de recherche français, comme le CNRS ou l'INSERM, à se saisir de la question de l'intégrité scientifique. Michel Dubois est sociologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire GEMAS de Sorbonne Université et co-auteur avec Catherine Gaspard de cette enquête. Pour ce qui concerne le CNRS avec Olivier Voynet, donc il y a un certain nombre de doutes qui sont émis sur les publications de ce chercheur. Donc là, on est dans le domaine de la biologie végétale, donc ça veut dire beaucoup de co-signatures, donc on ne sait pas forcément qui est responsable de quoi, sur quelle partie de l'article. Et ce travail donc d'analyse, de screening, en gros, de la littérature publiée par ce chercheur, aboutit progressivement à la rétractation d'un nombre très important d'articles, à la correction d'un nombre aussi important d'articles, et au lancement d'une procédure d'enquête, à la fois au niveau du CNRS, mais également au niveau de l'ETH à Zurich, qui travaillait dans les deux institutions. Et c'est un petit peu, comme toujours, dans le fil, finalement, de ce traitement d'une affaire, que l'institution se saisit, en gros, d'une réflexion en interne sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, finalement, agir positivement sur la culture de l'intégrité scientifique sans être totalement réactif à chaque fois. Et donc, c'est dans le fil de cette affaire Voynet, finalement, qu'on a créé la mission à l'intégrité scientifique au CNRS. Mais la même chose vaut également pour l'INSERM. L'INSERM a été un institut pionnier en matière d'intégrité scientifique parce qu'ils ont été confrontés début des années 2000, à une affaire, et donc ils ont mis en place en 99 la première délégation à l'intégrité scientifique, précisément dans le fil de cette affaire qu'il fallait traiter. Cela reste tout de même des cas particuliers, il faut le dire, c'est le côté spectaculaire de l'intégrité scientifique, celui qui fait les gros titres. Et donc, l'objectif de cette enquête, c'est de sortir de cette approche réactive des cas particuliers et de questionner le rapport à l'intégrité scientifique de l'ensemble du personnel de l'INSERM. Comment ils perçoivent et ressentent cette notion ? Quelles sont leurs attitudes et comportements face à elles ? 16% ont répondu au questionnaire, ce qui est un taux de réponse semblable aux autres enquêtes menées au CNRS, par exemple. Premier résultat, au bord de cette intégrité, il y a un sentiment extrêmement fort de crise de confiance entre science et société. Il concerne 9 répondants sur 10. C'est plus important que ce qui avait été observé dans l'enquête du CNRS l'année passée et beaucoup plus important que ce qu'on retrouve dans la population générale. Sans en avoir directement les raisons, on sait que la pandémie est passée par là. Et second résultat, concernant directement l'intégrité scientifique cette fois, si les enquêtés la trouvent essentielle, peu en connaissent les règles avec certitude. La quasi-totalité de nos répondants nous disent que l'intégrité, c'est important pour toutes les dimensions de leur activité, que ce soit les publications, les collaborations, que ce soit pour l'encadrement. Et donc, on ne peut pas s'exonérer ou s'exempter de l'exigence d'intégrité, mais pour autant, quand on leur demande s'ils ont sentiment d'avoir une forme de familiarité suffisante avec justement ces règles et ces valeurs de l'intégrité scientifique, en fait, on voit que on n'a qu'un enquêté sur 3 qui exprime une forme de certitude à l'égard donc de ces règles et de ces valeurs qui sont censées régir les activités de recherche. Ce qui veut dire qu'on a quand même, du point de vue des enjeux de formation, de sensibilisation, on a encore une marge de progression quand même assez importante. Et ce que l'on montre dans le rapport également, c'est cette expression d'incertitude, finalement, se trouve davantage chez les jeunes générations, chez les chercheurs les plus jeunes, les scientifiques les plus jeunes. Ce qui peut paraître assez paradoxal, puisque au final, cette population est celle, en théorie, qui a été exposée le plus, finalement, à tous ces efforts institutionnels qui ont été développés à partir du milieu des années 2010, avec la structuration du paysage de l'intégrité scientifique en France. Une situation pas nécessairement alarmante, mais qui démontre que les efforts en matière de prévention et formation à l'intégrité scientifique doivent être poursuivis. C'est l'objectif du programme Laurier à l'INSERM et après cet institut et le CNRS, la prochaine enquête concernera le personnel de la direction de la recherche fondamentale du CEA, dont les résultats seront diffusés dans le courant de l'année 2025. Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD, un grand merci à Sébastien Royer aujourd'hui à La Technique. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans La Science CQFD. En attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.